gris sur le vif. Écoutez. Allons-nous au cinéma? D'accord. Quand? Aujourd'hui? Non, impossible. Dommage. Répétez. Allons-nous au cinéma? D'accord. Quand? Aujourd'hui? Non, impossible. Dommage. Écoutez. C'est un bon film. Tu as raison. Belmondo est formidable. C'est vrai, il joue vachement bien. Répétez. C'est un bon film. Tu as raison. Belmondo est formidable. C'est vrai, il joue vachement bien. Écoutez. Je ne trouve pas Marie très sympathique. Maman, tu as tort. Elle est un peu timide, elle ne parle pas beaucoup, mais elle est gentille. Tu as peut-être raison. Répétez. Je ne trouve pas Marie très sympathique. Maman, tu as tort. Elle est un peu timide, elle ne parle pas beaucoup, mais elle est gentille. Tu as peut-être raison.